Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107 FM. Nous sommes le mercredi 29 septembre 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, c'est Chris. Vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone David de JS, comédien, qui est là pour nous parler de son parcours, de sa carrière de comédien et de sa web-série intitulée Les Aventures de Louis Frisson. Donc bonjour David. Bonjour. Comment ça va, Chris? Bah écoutez, très bien. Parfait. Très bien. J'ai bien prononcé ton nom de famille, c'est JS? Alors moi je le dis Gis, mais Gis. C'est vrai que on peut le dire de différentes façons. D'accord, moi je dirais. J'ai aucun problème là-dessus. D'accord, bah je m'en tiendrai à David Gis, comme ça au moins. Voilà. Ouais. Donc nos auditeurs et auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots? Eh bien, je m'appelle David Gis, j'ai 40 ans et je suis comédien donc et metteur en scène. Depuis quelques années maintenant, et j'ai plusieurs activités, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et puis effectivement, dernièrement, donc j'ai commencé à lancer une web série qui s'appelle Les Aventures de Louis Frisson. D'accord, de toute façon nous parlerons de tout ça pendant toute cette heure d'émission, du coup jusqu'à 15h. Et donc, comme annoncé à l'introduction, et comme tu viens de le dire, nous sommes ici pour parler entre autres de ton parcours de comédien, de ta web-série intitulée Les Aventures de Louis Frisson. Donc d'abord, quel a été ton parcours pour en être là où tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu as fait des études de cinéma peut-être ou pas du tout? Alors oui, effectivement, hein, il y a toujours une grande part, et de toute manière c'est toujours d'actualité, la formation c'est toujours d'actualité, c'est un travail qui nécessite de se former régulièrement. Donc du coup effectivement moi j'étais salarié pendant longtemps et en 2016 j'ai décidé de prendre un temps pour moi et de me former. Donc je suis monté à Paris. J'ai trouvé une école qui proposait en fait une formation professionnelle dans le domaine du cinéma et du théâtre. Mais de toute manière, ça rejoignait une aspiration personnelle. Depuis quelques années, je cherchais à un peu décrypter les rouages du métier de comédien, qui peut avoir beaucoup de facettes. Et donc du coup, oui, effectivement, je me suis formé à Paris pendant 2 ans et demi. J'ai fait des allers-retours entre Strasbourg, où je vis, et Paris. D'accord. Donc comment t'es venu cette envie de devenir comédien, justement? Alors, c'est pas venu du jour au lendemain. D'accord. J'ai commencé comme beaucoup, en fait, dans le côté amateur. Quelque que j'aime pas beaucoup, parce que des fois... On voit des spectacles dits amateurs qui sont extraordinaires. Donc du coup, oui, j'ai commencé par faire des années de théâtre dans différentes troupes et toujours par le biais de rencontres. Donc j'ai commencé avec une troupe strasbourgeoise. J'ai commencé au lycée déjà, donc c'était un petit moment. Et ensuite, j'étais avec une troupe qui s'appelait la Compagnie du Trou Noir. Ensuite, une troupe qui s'appelait le Petit Théâtre Strasbourgeois. Ensuite, les comédiens du Rhin. Donc, des troupes qui sont dites amateurs à Strasbourg. D'accord. Et donc, en tant que comédien, justement, vers quel domaine de jeu tu t'es orienté? Est-ce que tu te fais que du théâtre ou est-ce que, du coup, tu fais du cinéma ou autre? Ben, les deux. D'accord. Les deux. En essayant de ne pas tout mélanger, mais effectivement, un temps pour le théâtre, un temps pour le cinéma, et je prends énormément de plaisir dans l'un et dans l'autre. Et puis la formation que j'ai reçue à Paris, du coup, m'a permis d'avoir un bagage pour le théâtre et puis pour le cinéma. Donc c'est des arts similaires. Donc, bien sûr. C'était une formation similaire aussi. D'accord. Et donc, nous en parlerons un petit peu plus tard dans cette émission, mais tu n'es pas seulement comédien. Du coup, tu l'as dit quand tu t'es présenté, tu es metteur en scène, mais tu es également voix off et tu es également apparu dans une publicité ou plusieurs publicités, il me semble. Donc, nous pourrons en reparler un peu plus tard dans cette émission. Exactement. Vous êtes bien renseigné à Radio Guimauzo. On essaye. on essaye. Et donc, du coup, en tant que comédien de théâtre, est-ce que tu as déjà réalisé et ou monté des pièces de théâtre, ou est-ce que tu ne joues que dans des pièces qui existent déjà ? Alors, à la fois l'un et l'autre, parce que déjà sur durant mon parcours, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir monter des pièces moi-même. Et c'est ce que je dis durant mes formations aussi, c'est il faut le faire. C'est quelque chose qui est primordial. Ça permet de se confronter déjà aux problématiques, des problématiques de réalisation, de jeu, et tout ça, de comment monter un spectacle. Et donc, du coup, je joue et je crée aussi, là en l'occurrence, par exemple, cette web-série, peut-être atypique, je dirais, cette web-série qui est Les Aventures de Louis Frisson, c'est une démarche personnelle. Et du coup, après, ce qui est sympa, c'est aussi d'emmener des gens avec nous dans ces démarches. Et en théâtre, notamment, on a souvent monté des spectacles à partir de bouts de ficelle. Et c'est ce que je dis aussi dans mes formations, quelle fierté de voir ensuite ces spectacles qui ont été montrés, de les voir, de les transmettre et à un moment de les lâcher au public ou par différents billets, que ce soit sur un spectacle ou par exemple sur un court-métrage. Voilà, c'est un vrai plaisir et une vraie fierté en fait de se dire on a monté ça. Et puis on peut se regarder avec les partenaires en étant un peu fier et se dire voilà, on a fait ça. D'accord, et justement, juste après cette émission, car on le rappelle, nous sommes en direct, tu vas donner un cours de théâtre à des enfants à 16h30, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. À des jeunes enfants de 8 à 16 ans. C'est aussi une de mes flèches, en fait, mon arc. C'est-à-dire que j'adore donner des cours, j'adore transmettre de manière générale et je le fais par le biais d'ateliers avec des enfants et des adultes aussi, ça arrive. Et c'est très plaisant, c'est une activité que j'aime beaucoup. Nous en reparlerons un petit peu plus tard également dans cette émission. Et donc en tant que comédien de théâtre, est-ce que tu joues, on va dire, tous les styles de pièces de théâtre, ou est-ce que tu te dis je ne fais que des pièces comiques, que des pièces dramatiques, ou est-ce que tu fais vraiment de tous les styles ? Non, mais c'est une très bonne question parce que on pourrait se cantonner à un style. C'est sûr que je préfère un peu plus le théâtre contemporain, mais ce qui se passe aussi, c'est que il faut savoir accueillir les projets. C'est-à-dire que si quelqu'un vient avec un classique, ben c'est surtout je vais pas dire non parce que c'est pas mon style de théâtre. Ben, c'est aussi du challenge. Et il faut aussi dépasser ses aspirations et se dire que y a des classiques qui sont absolument merveilleux. Et donc non, je ne me cantonne pas à un style particulier. J'aime accueillir les projets qu'on me présente et voir ce qui peut en sortir. Ça peut être un challenge. Hein. De jouer en alexandrin, par exemple, ce sera un sacré challenge. C'est vrai, j'imagine. Et est-ce que, du coup, tu dirais que pour être un bon comédien, il faut avoir une certaine sensibilité ? Et si oui, pourquoi et quelle sensibilité, du coup, faudrait-il avoir pour être un bon comédien ? Déjà, qu'est-ce qu'être un bon comédien ? C'est vrai. C'est une vaste question, mais à mon humble avis, il faut effectivement avoir une sensibilité. Et c'est ce que j'ai remarqué aussi en mettant en scène certains spectacles. Et ça, c'était une grande leçon de théâtre. C'est-à-dire qu'on a chacun différents moteurs qui nous animent, à la fois pour jouer, à la fois pour être dans l'ombre et peut-être être technicien ou régisseur. Du coup, il y a une multitude de facettes, une multitude de, comme toutes les personnalités différentes qu'on peut rencontrer. Et donc pour moi, il faut, pour être comédien, oui, il faut avoir une certaine sensibilité. Je pense qu'il faut être surtout très curieux, et là j'innove pas beaucoup en disant ça, mais il faut être curieux de tout. La curiosité, c'est important. C'est l'émerveillement aussi, c'est quelque chose qui est important, à mon sens, mais ça n'est que mon humble avis, en fait. Ça peut avoir différentes facettes. D'accord. Et donc, en tant que que comédien, est-ce qu'il y a un style de pièce de théâtre dans lequel tu t'amuses le plus? Ah, c'est sûr que les comédies, il y a certaines comédies qui sont vraiment truculentes. C'est vrai que j'aime beaucoup la comédie. Il y a des pièces comme Oscar que j'avais joué avec des troupes qui sont assez. Il y a un rythme, mais il y a aussi une exigence. C'est ce qu'on peut voir aussi dans la web-série sur laquelle je travaille actuellement. C'est-à-dire qu'il y a, c'est sympa de regarder, de faire la comédie. Il y a une vraie exigence du rythme. Il faut vraiment... c'est comme un peu de la musique. Je pense que le côté... quand je parlais d'Oscar, ça rejoint un peu la carrière de Louis de Funès. Et quand on voit un Louis de Funès, il y a un rythme. C'est réglé comme du papier à musique. Et puis si on dépasse, si on prend un peu plus de temps dans un endroit, ça marche moins bien. Et donc du coup, il y a des exigences sur la comédie. J'aime bien la comédie, mais comme dit, j'adore accueillir les projets et découvrir. Notamment, je parlais de l'année 2016. C'est là où j'avais monté la pièce en fait qui m'a vraiment poussé à aller plus loin dans la démarche et à monter à Paris pour me former. C'était donc avec Tennessee Williams, et c'était La Ménagerie de verre. On ne peut pas dire que ce soit de la comédie, même s'il peut y avoir un aspect ironique, mais Tennessee Williams, c'est assez sombre, ça c'est les États-Unis, c'est les années de dépression, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de dramatique dans cette pièce. Mm-hmm. Et c'est celle qui m'a poussé et c'est celle qui m'a vraiment porté vers ce métier en fait. C'est là où j'ai eu un coup de foudre. Et au premier abord, ça n'a pas été forcément un coup de foudre au premier abord. Et c'est ce que j'explique aussi aux jeunes que je rencontre, c'est que des fois on découvre pas les subtilités d'un texte à la première lecture. Il faut vraiment, il y a un vrai travail à fournir et du coup, grâce à ça, on peut découvrir de vraies pépites. Bien sûr. Donc il est 14h, presque 14. Avant de poursuivre, je te propose de nous lancer directement dans une toute première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que tu as choisie en amont et que nous écoutions le groupe britannique Falls, j'espère que je le prononce bien, avec leur titre Give It All. Pour donner les quelques références, comme j'aime bien le faire, cette chanson est plutôt typée musique alternative indé avec une pointe de rock aussi, je dirais. Elle est sortie en 2015 et elle est tirée de l'album What Went Down de Falls, album sorti le vendredi 28 août 2015. Il s'agit d'ailleurs du quatrième album studio du groupe. Donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après d'ici un peu moins de 5 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct. Il est 14h19, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers comme la Belgique ou encore l'Allemagne. Vous venez d'écouter le groupe Falls avec leur morceau Give It All et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de David Guis, comédien, qui est là pour nous parler entre autres de son parcours de comédien et de sa web-série intitulée « Les aventures de Louis Frisson ». Ça va toujours ? Super. Parfait. Super. Donc, nos auditrices et nos auditeurs sont habitués. J'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi d'écouter ce titre de Falls ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? C'est un groupe que j'aime beaucoup et je ne pourrais pas vous dire pourquoi. D'accord. Mais en tout cas... C'est similaire avec beaucoup de groupes. Il y a des groupes dont j'achète les albums les yeux fermés parce que je trouve que leur démarche, leur son, la démarche artistique, j'aime bien les groupes qui se reproduisent pas beaucoup. Il y a des groupes comme ça, il y a Mieux Sec que j'aime beaucoup aussi. Il y a des groupes aussi un peu plus classés métal, comme Massisteria, Deftones aussi, qui se renouvellent à chaque fois. Et puis, quand je les écoute, il y a quelque chose qui en dégage. Quoi. Après, ça dépend des sensibilités, encore une fois, mais pour moi, il y a ce côté planant dans Falls que j'aime beaucoup. Et j'ai des frissons. Donc, ça me porte... Ça fait vibrer, quoi, en fait. C'est un peu ça. D'accord. Et donc, justement, tu as parlé de Mieux Sec il y a quelques secondes. Nous l'écouterons un petit peu plus tard dans cette émission avec son titre Les Mouches. Voilà, je spoil déjà les prochaines pauses musicales. Voilà. Donc, nous allons reprendre, du coup, le cours de cette émission. Donc, il est important de préciser et de rappeler, vu qu'on en a un petit peu déjà parlé. Je ne sais pas si ma phrase était très française, mais bref, tu as compris. Il est important de préciser que tu n'es pas seulement comédien, tu es également metteur en scène. Oui, un comédien, metteur en scène, je dirais aussi coach parce que j'accompagne des actrices et des acteurs. Aussi, il y a certains copains qui m'appellent des fois une espèce de couteau suisse. Donc voilà, ouais, je fais plusieurs choses. J'essaye d'avoir des tâches diverses et, enfin, en fonction de ce qui s'offre à moi en fait en quelque sorte. Mais effectivement je mets en scène également. Il y avait des spectacles les dernières années avant ce virus rigolo qui nous a un peu tous perturbés, qui a perturbé notre quotidien à tous. Je mettais en scène des spectacles là où également je tiens des ateliers, c'est-à-dire à Arenheim, à côté de Strasbourg. Il y a une troupe qui s'appelle les Gargues, qui s'appelle les Petits Gargantuas aussi, et qui ont fait appel à moi et qui m'ont gentiment demandé si je voulais m'occuper de mettre en scène leur spectacle, ce qu'on a fait juste avant le Covid. Et puis, c'est ce que j'ai fait avec un grand plaisir. Donc, effectivement, j'aime beaucoup mettre en scène aussi et donc coacher un peu les acteurs, les actrices de ce côté-là. Toujours dans l'objectif de partager tes connaissances au plus grand nombre. Oui, mes connaissances, ma passion, parce que tout ça, oui, effectivement, ouais, tout à fait, c'est ça. D'accord. Et du coup, on l'a un petit peu dit tout à l'heure également, tu fais partie de du coup plusieurs troupes de théâtre. Donc pourquoi avoir fait ce choix de faire partie de plusieurs troupes de théâtre et de ne pas te cantonner justement à une seule troupe ? C'est au fur et à mesure des rencontres que mon parcours se fait et je peux me cantonner à une troupe, mais je veux dire dans ce métier il faut pouvoir proposer et faire en fonction des projets surtout. Du coup, rester dans une troupe, oui, avoir une famille, composer une famille à l'aide des troupes qu'on rencontre, c'est le choix que j'ai fait et que j'ai pas fait. C'est parce que c'est au fur et à mesure du parcours, des opportunités qu'on, quand on vient nous présenter un projet, c'est une troupe généralement, ou quelqu'un en particulier qui vient me proposer un spectacle, ou une idée de spectacle, ou une idée de court-métrage, j'espère appartenir à une espèce de famille de théâtre, de ciné, je sais pas comment on dit, des ciné, il y a des cinéphiles, mais je sais pas comment, quand on participe à ces aventures de cinéma, de théâtre, que, voilà. C'est une grande, pour moi c'est une grande famille, on est tous, on a tous une espèce de passion commune, et donc du coup je le partage avec ceux qui veulent. Bon, d'accord. Mais donc, justement, comme j'imagine du coup que chaque troupe est différente, est-ce qu'il y a aussi cette envie de presque ce besoin de voir d'autres choses, d'élargir au plus le plus possible ta vision, tes compétences, tes connaissances, voilà. Oui, les connaissances. Après, c'est aussi des challenges. Effectivement, de se frotter à quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est un challenge. Pour donner un exemple concret, parce que pour être un peu plus concret, par exemple, l'été dernier, je me suis frotté à un projet qui était un clip pour un artiste, l'artiste électro, et j'avais jamais fait j'avais aussi fait des clips pour MMK, un groupe de musique pop rock, je vais y arriver. Alsacien aussi, qui est absolument génial, et ces artistes originaux qui m'ont proposé leur projet, bah, j'étais comme un enfant, en gros, d'où l'émerveillement, mais ouais, c'était génial de se frotter à des projets nouveaux et j'ai pas l'habitude de participer. D'accord, oui, c'est sûr que ça a l'air très, très enrichissant du coup de se frotter, de se lancer des challenges, de voir qu'on peut le faire. C'est vrai que ça a l'air très, très enrichissant comme, on va dire, comme principe. Ça l'est, ouais, effectivement, il faut se renouveler au fur et à mesure, et c'est ça aussi. C'est pour ça que je pense que c'est un métier très, très compliqué, parce qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte, et il faut aussi. Moi, j'ai une habitude, c'est de cultiver le doute. Pour moi, le doute, c'est aussi un moteur. Se dire que douter, c'est un exercice qui permet justement de rebondir des fois, de se planter aussi des fois. Mais l'échec et les erreurs font partie de quelque chose qu'on construit. Donc du coup, c'est hyper intéressant. C'est hyper... Développement. Bien sûr, j'imagine. Et du coup, en préparant cette émission, j'ai également appris qu'il y a quelque temps, tu as joué dans une pièce de théâtre qui a été, il me semble, à l'époque, jouée avec le célèbre animateur, comédien et humoriste Vincent Lagaffe. Ah oui, oui. Oui, ça fait. C'était avec la troupe de l'humoriste Laurent Arnoux. D'ailleurs, je ne me souviens plus comment s'appelait cette pièce. Comment s'appelait-elle déjà ? Je vais essayer de te retrouver ça dans l'email que tu m'as envoyé. Ah oui, c'était une sacrée expérience, mais qui date déjà. J'ai pas trop l'habitude de me retourner en fait, de me retourner sur ce qui a été fait, mais effectivement c'était avec la troupe de Laurent Arnoux à l'époque, qui était basée à Ulsheim, à côté de Strasbourg, et on avait monté cette pièce. Qui était une bonne comédie aussi, on avait bien fait rire le public, c'était assez comique. Je crois que j'avais le rôle d'un gars pas très net en fait, qui transvalidait une valise avec de l'argent, des armes, il y avait quelque chose comme ça, là. Quelque chose de très... pas très net. Tout à fait, j'ai retrouvé justement l'article de journal, c'est la pièce de théâtre Le Surbook. C'est ça, le surbook, exactement, merci. Avec plaisir. Le surbook dans lequel, justement, comme tu le dis, dans l'intrigue, c'est dans une chambre d'hôtel où il y a plusieurs résidents qui se retrouvent et qui ont chacun une activité illégale, quelque chose comme ça. Oui, exactement, ils se retrouvent un peu parachutés là, et du coup, c'est des situations comme on retrouve au théâtre, souvent des situations cocasses. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, maintenant, quand tu montes sur les planches ou que tu te poses devant la caméra pour jouer, qu'est-ce que tu recherches du coup pour toi et pour les autres qui te regardent? Ouh, très bonne question. Merci. qu'est-ce que je recherche? Bah, je recherche, par exemple, sur le projet de Louis Frisson, les aventures de Louis Frisson, c'est plus un exercice régulier. Je recherche, parce que je fais beaucoup de choses sur ce projet, puisque c'est un peu un projet qui a été... que j'ai créé et du coup je recherche à travailler régulièrement sur à retrouver ce personnage régulièrement, et ce que j'essaie de donner c'est de partager cet univers avec ce personnage, essayer de raconter au mieux une histoire qui lui est propre. Je pense que c'est les histoires et les personnages que j'ai envie de partager avec les gens qui sont soit derrière mon écran, soit le public sur scène. Et c'est ça que j'aime beaucoup faire et que j'aime partager. C'est ça un peu le moteur qui me pousse à aller sur scène un peu, même si c'est sûrement plus complexe que ça. C'est possible. Et d'ailleurs, est-ce que tu dirais que le théâtre et le cinéma sont deux très bons moyens, on va dire, pour dénoncer, même si le mot il est peut-être un peu fort, pour dénoncer certaines choses? Ah oui. J'ai un souvenir récent très fort, justement. Je ne sais pas si vous connaissez le marathon vidéo 48 heures qui se déroule chaque année à Strasbourg. Donc c'est des gens qui se regroupent et pendant un week-end, généralement, 48 heures, ils font un film. Et là, ça a été fait en juin, et avec la situation sanitaire actuelle, la projection de tous les courts-métrages a eu lieu non pas à la fin du week-end comme ça se faisait généralement, mais bien ça s'est fait là le week-end dernier. Et j'ai vu un film, un court-métrage, donc qui faisait 3 minutes, mais qui dénonçait en fait les violences, à mon sens c'était ça, qui dénonçait les violences sur les enfants, voire les attouchements, etc. Donc effectivement, on peut utiliser, ce sont des... Ce sont des outils qui peuvent être revendicatifs, qui peuvent être et qui doivent aussi l'être, je pense. Il y a même l'humour, et c'est ce que j'aimerais faire, j'aspire à ça, en construisant encore un peu plus l'univers de Louis Frisson. Là, pour l'instant, on est sur la franche rigolade, on a fait 2 épisodes, dont le deuxième qui va bientôt sortir, mais qui est à la sauce Chaplin, donc du burlesque, voilà, c'est plutôt léger, mais ça peut aussi raconter des choses. Mais en tout cas, du coup, j'ai une aspiration à raconter des choses, à soulever des problèmes aussi, des problèmes de société, comme j'ai pu le voir durant ce petit court-métrage de 3 minutes, mais qui était une vraie claque, parce que effectivement, c'est ce qu'on voit aussi avec les séries, il y a des séries qui dénoncent le harcèlement dans les lycées, etc. Il y a pas mal de choses comme ça. Oui, c'est deux outils formidables pour faire passer des messages de manière générale et pour faire changer peut-être un peu les choses, le regard. C'est juste. Encore une fois, bravo Chris. Merci. Et donc, nous l'avons également un petit peu, nous en avons un petit peu parlé tout à l'heure, enfin, plutôt toi que moi, tu as dit surtout que, à côté de ton activité de comédien, du coup, tu proposes des ateliers de théâtre appelés Labo Acting. Donc, quand est-ce qu'ont lieu ces théâtres? Où ont lieu ces ateliers? Et pour qui ont lieu ces ateliers? Et qu'est-ce que tu enseignes là-dedans? Voilà. Oui, ça fait beaucoup de questions. Mais merci de me la poser. J'aime beaucoup en parler parce que le Labo Acting, en fait, ça se tient à Strasbourg. C'est tous les samedis matins de 10h à midi. Et c'est un peu ce dernier atelier que j'ai monté moi-même, et c'est un peu mon petit bébé. C'est-à-dire que c'est ce que je raconte beaucoup autour de moi, c'est que c'est ce que j'aurais voulu trouver quand j'étais en quête d'une formation théâtrale cinéma. C'est ce que j'aurais voulu trouver à Strasbourg, hormis les conservatoires et tout ça, parce que j'avais plus plus l'âge, moi, personnellement. Mais c'est un atelier, en fait, qui est fait pour les artistes, je dirais. Mais qui peut être ouvert à n'importe qui. Parce que je me place déjà au même niveau que les participants. C'est-à-dire que je donne des idées, mais on peut très bien me dire j'aimerais qu'on travaille ça sur ça la prochaine fois. Je fais OK, d'accord. On va travailler, par exemple, une composition de personnage, par exemple, bien spécifique. Ou moi j'ai une difficulté, je fais des poèmes, par exemple. J'aimerais tester un peu ce que j'écris auprès d'un public. Et donc, du coup, je propose pendant ces ateliers. Donc, c'est un peu une espèce de lab acting. Donc, c'est un peu une espèce de masse qui est à la fois mouvante et qui peut se mouver comme je sais pas si ça te dit ça, c'est très français, se mouver, mais se mouvoir plutôt selon les aspirations de chacun. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que si on est comédien et qu'on veut travailler une scène en particulier, ben vous pouvez venir. Si vous voulez qu'on travaille tous ensemble, c'est ce que j'avais avec le dernier groupe avant la fermeture de l'atelier pour des conditions sanitaires. J'avais un groupe qui voulait vraiment faire un projet théâtral ensemble. J'ai dit OK, on va tâcher de se rejoindre. Et puis il y a un côté technique. Moi j'aime bien apporter un peu un petit regard sur le côté technique, quelles idées neuves peuvent apporter par exemple un monologue ou un travail d'une scène à plusieurs. J'aime apporter ce côté et ce regard. Et donc du coup, c'est un peu ouvert à tout le monde, c'est ouvert aux artistes, mais pas que, c'est ouvert à tout le monde, c'est de 10h à midi samedi matin. C'est un horaire où on est plutôt disponible, et ça peut paraître un peu pompeux, là, comme je le dis, mais c'est plutôt ludique. On a tendance à bien rigoler. Et là, ça a redémarré donc le week-end dernier. D'accord, et du coup, c'est toutes les semaines, tous les samedis matin. C'est ça, à Strasbourg, et c'est un peu ce que moi j'aurais voulu trouver à l'époque. Donc on y trouve un peu ce qu'on y cherche, et mon but c'est aussi de m'adapter aux personnes qui viennent, hein, parce que des fois on a différentes personnes qui viennent, des profils totalement différents, et puis je m'adapte. Bien sûr, la capacité d'adaptation. Donc, il est 14h presque 37. Avant de poursuivre à nouveau, je te propose de nous lancer tout de suite dans une toute nouvelle fréquence musicale, dans une deuxième pause musicale que tu as choisie une nouvelle fois, ouais. Et que nous écoutions cette fois-ci Oxmo Puccino avec son titre Le vide en soi. D'ailleurs, Oxmo Puccino qui passe de temps en temps, il me semble, sur nos ondes à Radio Gemozo. Une nouvelle fois, au niveau des quelques références, cette chanson est plutôt typée rap. Elle est sortie en 2012 et elle est tirée de l'album Roi sans carrosse de Oxmo Puccino, album sorti le lundi 17 septembre 2012. Il s'agit d'ailleurs du 6e album studio de Oxmo Puccino. Donc on écoute ce morceau, Le vide en soi, et on se retrouve juste après d'ici un peu plus de 2 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo. À la recherche des absents au soleil levant, la tête basse, on s'obstine, attendant de quel nuage viendra le signe. Bientôt quelqu'un va nous manquer, les yeux trop petits pour nous planquer, la douleur des jours de tristes costumes qui nous rappellent qu'on n'aime qu'à titre posthume. La joie est une révolte matée, une pluie de l'intérieur colmatée. Si le chagrin nous met à l'abri du réconfort, comme on l'a saisi, faut qu'on soit fort. Pour la vie devant soi. Une tristesse à dépasser pendant longtemps par des rires d'enfants, des souvenirs d'antan. Pendant la chute, on s'accroche à des devises. Passer les consolations, le silence livre. Une peine aux pages closes, desquelles on se délivre. Par des mots qui prennent la peine et la divisent. Vaut mieux chanter ensemble qu'y penser tout seul. À cette vie qui continue sans perdre boussole. Nous, sur l'écorce terrestre, n'avons plus qu'à aimer ceux qui restent. Prenons-nous dans les bras. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h40. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même, comme je le disais tout à l'heure, dans les pays frontaliers. Vous venez d'écouter Oxmo Puccino avec son morceau intitulé Le vide en soi et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de David Guis, comédien qui est là pour nous parler entre autres de son parcours de comédien et de sa web-série intitulée Les Aventures de Louis Frisson. Est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie, David ? Ah ben super, super, quel accueil. Et encore merci à votre radio de vous intéresser à ce qui se passe un peu autour de vous et à m'avoir demandé de participer, je suis enchanté. Avec plaisir, c'est la devise de la radio, c'est privilégier du coup ce qui se passe localement, donc dans le Grand Est, etc. C'est ce qu'on cherche à faire, et donc si on y arrive, c'est tant mieux du coup. Même question que pour la première fréquence musicale, pourquoi est-ce que tu as choisi d'écouter cette chanson de Oxmo Puccino ? C'est une chanson qui me parle personnellement et je pense qu'elle parle, elle peut parler à tout le monde parce que elle parle du deuil, de alors désolé, je pense on plombe un peu l'ambiance peut-être, mais je pense que ça fait partie de la vie aussi et du coup j'aime beaucoup cette chanson pour ça parce que elle nous rappelle que bah, quand on perd quelqu'un, bah, y a tous les autres qui restent là et il faut continuer. C'est comme ça. Ça fait partie du truc. Comme je dis. D'accord. Voilà. Donc on va reprendre le cours de cette émission, il nous reste un peu moins de 20 minutes, ça va, on a encore un peu de temps. Donc nous l'avons dit un petit peu plus tôt dans cette émission, tu n'es pas seulement comédien de théâtre ni metteur en scène, tu es également voix off et tu es également apparu dans des publicités, courts-métrages et web-séries. Et du coup, en tant que voix off, tu as prêté ta voix pour un court-métrage réalisé par Barbara de la Cerda, ainsi que dans un projet étudiant sur la réalité augmentée appliquée à l'enseignement. Oui, c'était des projets assez atypiques. Donc c'était assez drôle de s'entendre sur des images à la fois scientifiques et puis à la fois sur de quelque chose de plus narratif dans un court métrage. Et c'était notamment la première œuvre que tu as citée, c'était lors de mes passages à Paris que j'ai travaillé sur ce court métrage et sur une voix narrative. C'était un très bon exercice aussi. Une autre facette du métier de comédien. Bien sûr. Et donc justement, on va y aller étape par étape. Comment s'est passée la prise de contact avec Barbara de la Cerda pour la voix off pour le court métrage? Eh bien, c'est comme on s'est retrouvés en cours ensemble à Paris. Du coup, ça s'est fait plutôt naturellement. Elle m'a sollicité encore une fois. On a échangé puis on a voulu travailler ensemble sur ce projet. Donc, en faisant de la voix off et en jouant aussi. C'était double emploi. Donc, ça s'est fait plutôt naturellement, comme toujours en fait, hein, sur à la fois on est sélectionné pour peut-être une image ou quelque chose qu'on dégage ou quelque chose qui colle avec ou alors on inspire. Peut-être que comme on a travaillé ensemble pendant des ateliers, des cours, etc. Voilà, c'était mutuellement inspiré, je pense on a laissé entre apercevoir la possibilité de travailler ensemble. Donc voilà, c'est toujours toujours encore un exercice différent, la voix off et plus le jeu. Donc voilà, c'était encore une bonne expérience. C'est vrai que j'ai beaucoup, je me retourne rarement sur ce que j'ai fait. Donc j'essaie de toujours aller de l'avant. Comme Oxmo Puccino le disait avant dans sa chanson, c'est et donc du coup c'est une espèce de philosophie de vie peut-être d'essayer d'avancer. Donc oui, c'est bien, j'aime bien me retourner avec toi Chris sur les projets passés. C'est assez avec plaisir. Et donc justement pour ce projet étudiant sur la réalité augmentée appliquée à l'enseignement, comment s'est passée la prise de contact? Ah ben là c'est une amie en fait, c'était une amie qui faisait une vidéo sur sur la réalité augmentée, et donc elle avait besoin de voix off. D'accord. J'ai levé le doigt et elle m'a donné gentiment la parole. Je me suis proposé. Voilà, d'accord. Et du coup, en parlant de publicité, de court-métrage et de web-série, tu réalises du coup une web-série intitulée Les Aventures de Louis Frisson, dans laquelle tu interprètes le rôle principal. Alors oui, alors petite précision, c'est pas moi qui réalise, hein. D'accord. Je suis pas derrière la caméra, je suis devant, je joue, j'écris, après j'ai beaucoup de, comme j'appelle ça, des casquettes, différentes casquettes sur ce projet, puisque ça part de pastilles que je faisais quand j'étais à Paris, où voilà, je me suis retrouvé un peu, peut-être, je sais pas, malgré moi, peut-être pas, mais dans la peau d'un espèce de comédien qui donnait des nouvelles comme on les appelle, les followers ou les personnes qui suivent son activité. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé à écrire, à organiser en quelque sorte, et en discutant avec un ami, J.C. Muselet, donc, qui lui réalise, eh bien, on est tombé d'accord pour se dire, ben ok, donnons vie à ce comédien, et c'est nous de trouver en fait une vision, une façon de faire, donnons vie à peut-être une série ou un court-métrage, et puis du coup ça s'est profilé en série de mini-épisodes. Qui donne les aventures de Louis Frisson. D'accord. Et donc, qui est Louis Frisson? Qui est... qui est... Encore une très très bonne question. Qui est Louis Frisson? Eh oui. Louis Frisson, bah, c'est un comédien qui est un peu... il est légèrement décalé. Hein. Mm-hmm. Il est légèrement décalé parce qu'il est plutôt naïf. Mais opportuniste quand même, et plutôt déterminé. Il a décidé de faire ce métier, et pour lui, il a vraiment envie d'aller jusqu'au bout, de vivre son rêve, et il faut dire qu'il est naïf et un peu crédule. Donc du coup, c'est un comédien qui ne doute pas vraiment de ce qu'il va faire de son futur. Donc, il est persuadé que c'est fait pour lui, et puis il va rencontrer quelques petits problèmes. Comme toujours, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, surtout pour lui. Bien sûr, surtout que Louis Frisson est très... Ah, mais on peut faire un parallèle, hein. Ah oui. Justement. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu dirais que Louis Frisson, c'est toi, mais en beaucoup plus caricaturé, ou est-ce que ce sont deux personnes totalement différentes, totalement opposées? Je dirais que y a un peu de moi et j'ai un peu de Louis Frisson aussi. C'est-à-dire que Louis Frisson, lui, c'est un personnage qui essaye. Il essaye, et puis il tente des choses, il va rencontrer des difficultés, et il va s'y frotter, et c'est ça qui fait que justement, peut-être en tant que spectateur, on peut s'en délecter, parce que c'est tout ce qui lui arrive, ça peut nous arriver aussi. Enfin, si on a un rêve et qu'on essaie d'y arriver, on peut avoir l'air ridicule en essayant d'y arriver. Et je pense que c'est ce qui lui arrive un peu, surtout sur cette première partie. partie en fait de la web série, quoi. Surtout que du coup le personnage de Louis Frisson a, on va dire, un accoutrement bien à lui, le débardeur blanc, les bretelles, le pantalon noir et le chapeau. Eh oui, le Marcel. Le Marcel, voilà. Le Marcel et les bretelles. Et puis oui, il est la moustache. Ah oui. Il a un côté un peu franchouillard comme ça, notre Louis Frisson, c'est quelqu'un du terroir, quoi. Bien sûr. Et puis, justement, quand, en préparant cette émission, j'ai un petit peu regardé les épisodes de Louis Frisson. Enfin, je crois qu'il n'y a qu'un seul épisode de disponible pour le moment. C'est ça. Voilà, j'ai regardé du coup le premier épisode. Et je ne sais pas si c'était voulu ou quoi, mais j'ai cru faire un rapprochement entre du coup le personnage de Louis Frisson et Charlie Chaplin. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ouais, très bien, encore une fois, c'était le but. Parce que de la discussion qu'on a eue et de la voix qu'on a pris avec J.C. Muselnik, qui réalise en fait la web série. Du coup, on a pris le parti pris de se dire on va changer un peu les codes et on va se faire plaisir en faisant à la manière d'eux. Et donc, du coup, les deux premiers épisodes sont burlesques. D'accord. Et puis, il y a des petits clins d'œil à Chaplin et modestement, hein, parce que voilà, quand on voit l'œuvre de Charlie Chaplin, on s'est inspiré un peu de des intertitres, de la musique, de ce côté des gags. C'était l'idée en fait qu'on fasse des épisodes de la web série de Frisson à la manière de. Donc les deux premiers, c'est plutôt burlesque et c'est plutôt du Chaplin en gros. Ouais. D'accord. Bien vu, Chris. Merci. Donc, quels sont les décors de cette web-série? Parce que je sais, justement, j'ai vu la petite vidéo de Louis Frisson qui sort d'un train à une gare. Donc, quels sont les décors de la web-série? Est-ce que c'est Strasbourg ou est-ce que tu es allé dans une autre ville pour tourner, du coup, les épisodes? Enfin, déjà le premier épisode. Encore une fois, bravo, Chris, parce que c'est... Alors, c'est pas une gare, c'est une station de tram. D'accord. C'est du tramway de Strasbourg. Parce qu'on a voulu faire un comédien peut-être un petit peu loser sur les bords, et les bords se touchent, mais que son histoire soit ancrée dans la ville de Strasbourg, pour que les Strasbourgeois puissent découvrir leur ville par le biais de ce personnage. Et donc du coup c'était les deux volonté principale de faire à la manière d'eux pour les différents épisodes, et aussi d'avoir un ancrage à Strasbourg, parce que c'est important de montrer les décors, même si certains décors sont relativement épurés. Ben on a tout tourné à Strasbourg pour le moment, c'est ce qu'on a choisi de faire. D'accord. Donc il est 14h52, nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, je te propose de nous lancer directement dans une troisième et dernière fréquence musicale que tu as choisie toujours, et que nous écoutions, comme annoncé un peu plus tôt dans cette émission, Christophe Miossec, ou tout simplement Miossec, avec son morceau intitulé « Les mouches ». Une nouvelle fois, au niveau de quelques références, ce titre est sorti en 2016, c'est de la chanson française, bien que marqué musicalement par des influences folk, de musique tzigane, pardon, et de tango, notamment grâce à l'accordéon et au violon présent dans l'album duquel est tiré ce titre, et l'album qui s'intitule « Mammifère », et c'est le 10e album studio de Christophe Miossec, pardon, album sorti le vendredi 27 mai 2016, je vais y arriver. Donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après pour la suite et déjà la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Arrive-t-elle comme ça par hasard? Miossec avec son morceau Les Mouches sur Radio Gemozo. Vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers. Nous sommes bien sûr toujours en direct, il est 14h56 et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de David Guiss, comédien, qui est là pour nous parler entre autres de son parcours de comédien et de sa web série intitulée Les Aventures de Louis Frison. Tout est toujours bon pour toi ? Toujours, toujours fidèle au poste. Parfait. Donc même question que pour les deux précédentes fréquences musicales, tu es habitué désormais. Pourquoi avoir choisi cette chanson de Miossec ? Ben, ça fait partie des artistes que j'aime beaucoup. Miossec, c'est quelqu'un que j'admire aussi, qui à la fois dans l'écriture, dans les interprétations. Il a aussi ce côté qui le rend attendrissant, je trouve. Il est très timide et ça se sent sur scène, même s'il se lâche un peu plus. Et du coup, ses textes me parlent quand il écrit pour lui ou pour d'autres artistes. C'est quelqu'un que j'admire en fait beaucoup. D'accord. Donc, comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons déjà bientôt, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que... Oui, c'est vrai, c'est triste. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé ? Ah, encore une très bonne question, hein. Merci. Voilà. Super. Non, mais il y aurait un milliard de choses. J'aurais un milliard de remerciements à faire pour tous les acteurs que je croise, acteurs de manière générale, que je croise, que ce soit les metteurs en scène, les comédiens avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, qui m'ont fait découvrir des univers, des textes, à la fois les comédiens aussi qu'on croise régulièrement, que je croise régulièrement et qui on partage pas mal de passions. Et je pense aussi à une compagnie, pourquoi pas par exemple, avec qui j'ai fait deux personnages dans une pièce qui a tué Charles Perrault, qui était du théâtre jeunesse. C'était aussi une première expérience du théâtre jeunesse. Il y a quelques temps, on va jouer en mai à la maison des arts à Ingolstadt en mai prochain. Donc il y a, je pense aux Gargues aussi, toutes les compagnies et les metteurs en scène, les acteurs de ce milieu avec qui j'ai pu travailler, et même ceux qui ont fait appel à moi de tant que particulier ou autre. Voilà, je pense à eux et à tout ce parcours déjà qui a été fait. D'accord. Qu'est-ce qui est... voilà. Quoi ? Pardon ? Non, je disais voilà, c'est vrai que j'ai rarement le temps aussi, peut-être aussi, mais il faut se le prendre, mais de regarder un peu en arrière, et donc du coup je le fais avec toi, Chris. C'est assez. Quand on regarde un peu en arrière, on n'a pas chômé en fait tout ce temps. C'est plutôt. Gratifiant, et puis j'aimerais partager cette gratitude avec vous, toi, et puis les auditeurs, et puis tous ceux que j'ai croisés qui se reconnaîtront sans doute. Bien sûr, j'imagine. Enfin, je pense bien. Enfin, j'espère. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Parce qu'il nous reste quelques minutes, on va un petit peu déborder, mais c'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Eh bien, là, vaste question aussi. Je vais toujours prendre autant de plaisir à partager autant de plaisir avec les différents interlocuteurs que j'ai, et puis le public qui vient voir à la fois les spectacles, à la fois les créations de manière générale. Ouais, toujours autant de plaisir en fait à faire tout ça, quoi. Et puis la santé. Bien sûr, la santé, c'est le plus important. Donc, voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je te remercie une nouvelle fois, David, d'avoir accepté mon invitation. D'ailleurs... Merci à vous.